ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهناك رواية أخرى عند غير الترمذي رحمه الله تعالى حيث يروي لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان رديفا له، فكان وراءه، كان على بغلة أو على حمار، المهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. فكما لا يخفى عليكم على أن هذا الحديث طويل، وفي هذه اللحيظات وفي هذه العجالة لا نستطيع أن نشرح جميع الحديث. قد نأخذ كلمة أو كلمتين من هذا الحديث ونسلط عليهم أو عليهما الضوء، فنسأل الله عز وجل التيسير. دبخي ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لبخوفات عليه الصلاة والسلام ينفويلتي أبيك ابن عباس عبد الله ابن عباس لكوزاج بخوفات عليه الصلاة والسلام. Et c'était un garçon. À l'époque, les garçons, ils marchaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on n'a pas un âge pour marcher avec le prophète. Et on n'a pas un âge aussi de marcher avec les savants ou de s'asseoir avec les savants. Donc il était très jeune à l'époque, Abdullah ibn Abbas. Il marchait derrière le prophète alayhi salatu wassalam, ou il était sur la mule du prophète alayhi salatu wassalam, ou l'âne du prophète alayhi salatu wassalam assis derrière. Mais le plus important, ce qu'il va lui dire le prophète alayhi salatu wassalam. Il a déjà été une fois ou un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wassalam. Il me dit, Abdullah ibn Abbas, il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Et comme vous le savez ici, le sens de préserver ici, c'est le fait d'observer les commandements d'Allah Azza wa Jal. Il lui dit le prophète alayhi salatu wassalam, quand tu demandes, adresse ta requête à Allah. Quand tu dois solliciter un secours, tourne-toi vers Allah. Sache que c'est tout. Toute la communauté du prophète alayhi salatu wassalam se réunissait pour t'apporter un bénéfice, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Si elle se léguait pour te nuire, elle ne pourrait parvenir que pour une chose qu'Allah a décidée ou a décrétée pour toi. Les plumes sont levées et aussi les pages ont séché. Donc ça c'est une partie, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, du hadith du prophète alayhi salatu wa salam et ses grandes paroles immenses. Et aussi ces paroles, ils sont magnifiques pour les personnes qui vont connaître le sens de tout ça. Wa lidhalika قال الإمام رجب ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع علوم الحكم، وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض السلف من علماء الأمة: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فواءس من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وحق لهم أن يقولوا هذا، لأن هذا الحديث يحمل من المعاني ما يتوجب علينا أن نجلس الليالي ذواتي العدد من أجل أن نبين ونشرح معاني هذا الحديث. ابن رجب رحمه الله تعالى il lit dans son livre que il a médité ce hadith. Il a trouvé que ce hadith il est immense. Donc dans ce hadith il y a plusieurs recommandations. Il y a aussi des bases de notre religion les plus importantes qu'on les trouve dans ce hadith. Et d'ailleurs même il y a des savants de cette nation, notre salaf, rahimahumullah ta'ala, ils ont dit: le jour où j'ai lu ce hadith, j'ai été abasourdi, étonné. Et par joie, j'ai failli perdre ma raison. Le jour où il a lu ce hadith qui est immense. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai un serviteur d'Allah. Pour expliquer ce hadith en entier, on a besoin des nuits pour qu'on puisse l'expliquer. Et d'ailleurs, les savants, le jour où ils ont expliqué ce hadith, ils ont écrit plusieurs lignes, des centaines et des centaines de lettres, et aussi plusieurs feuilles pour qu'ils puissent expliquer ce hadith qui est immense. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، préserve الله. وكما لا يخفى عليكم من يستطيع أن يحفظ الحافظ. Et comme vous le savez, chers serviteurs d'Allah, c'est qui peut préserver? Celui qui nous préserve, Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça, on est dans l'obligation en tant que croyant, sans exception, de revenir à l'explication du prophète alayhi salatu wassalam à ces textes divins. Car comme vous le savez, le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la révélation. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'expliquer le Coran al-Karim comme notre prophète alayhi salatu wassalam il a expliqué, et il a expliqué à plusieurs sahaba, et parmi ces grands sahaba, grands savants de l'islam, parmi les compagnons, ce garçon Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Et c'est pour ça que vous avez remarqué dans les livres d'explication de le Coran al-Karim, à chaque fois on va citer son nom: Ibn Abbas a dit, Ibn Abbas a dit, Ibn Abbas a dit, ainsi de suite. Radiallahu ta'ala anhuma. Donc, et si le sens, ihfadillaha yahfad, c'est le fait de dire, d'observer les recommandations d'Allah Azza wa Jal. Et de bien les observer. C'est pas le fait de lire ce hadith qui est connu, et puis, on va terminer ce hadith, on va le lire pendant 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes après, on va rentrer chez nous sans rien comprendre. Et Inch'Allah ta'ala, on va essayer de rapprocher le sens de ce hadith et on va, Inch'Allah ta'ala, sortir avec des bienfaits derrière. قال احفظ الله. Suis les recommandations d'Allah Azza wa Jal, ou observe les recommandations d'Allah Azza wa Jal. يعني احفظ الله احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه وقال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، هذه البشرى. فالحافظ لحدود الله عز وجل والمؤتمر بأوامر الله والذي ينتهي عند نواهي رب العالمين، الله عز وجل بشره. ولما يبشر الله عز وجل عبده المؤمن فليعلم هذا العبد المؤمن على أن البشرى من الله بشائر، لأن البشرى من الله عز وجل رحمته وكذلك رضاه وكذلك جنته، وهذا الذي تتوق له أنفسنا أيها الناس. دونك شيء سيرفيتور بالله. Le fait de s'ordonner à l'ordre d'Allah, d'obéir à Allah Azza wa Jal, c'est ça le sens de ce mot préserve Allah. Ça veut dire, tu dois, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, d'observer les recommandations d'Allah Azza wa Jal et de bien faire attention d'obéir à Allah. Il t'a ordonné, tu dois, et tu es dans l'obligation, car tu es le serviteur d'Allah, tu es la créature d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça, on a besoin d'Allah Azza wa Jal, on a besoin de l'adorer, pour qu'Allah Azza wa Jal, à la fin, il va nous effacer nos péchés. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, ensuite, on a besoin de tout ça. Car tout le monde, sans exception, on commet des péchés vers celui qui nous a créé, Allah Azza wa Jal. Les droits d'Allah, les ordres, les interdits d'Allah. Donc on est dans l'obligation, cher serviteur d'Allah, de se soumettre à tout ça. Donc, comment je dois obéir à Allah? Comment je dois obéir à Allah Azza wa Jal quand il m'a ordonné et quand il m'a interdit? Tout simplement, il n'y a pas plusieurs chemins, chers serviteurs d'Allah. Un seul chemin seulement, la soumission à Allah Azza wa Jal. Tout simplement, pourquoi? Il nous a créés. Il a créé tout le monde, Allah Azza wa Jal. Et le but de la création de tout ce monde, pour qu'on puisse adorer Allah Azza wa Jal, soit les djinns, soit les ins, soit les êtres humains. Et donc, on n'a pas le droit de dépasser tout ça. Et on doit se soumettre à tout ça. Et c'est pour ça, on trouve parmi les êtres humains, et malheureusement, c'est des gens qui parlent la même langue que nous, et ils ont la même couleur de peau comme nous, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Non seulement ils se sont égarés, ils sont devenus égarés, égareurs. Et c'est ça le plus grave. Vous imaginez, s'il n'y avait pas ces savants, pour qu'ils puissent montrer la sunna, et pour montrer la trace, et pour suivre, nous on suit la trace de Salaf al-Saleh. Il n'y a plus d'islam, il n'y a rien. Vous imaginez s'il n'y a que l'innovation? Les gens, ils vont propager que les bidats. Il n'y a pas de savants pour qu'ils puissent faire face à tout ça. Donc, l'islam, il va disparaître. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla fait qu'il a créé des savants dans toutes les époques pour qu'ils puissent montrer les vrais textes qui ont été révélés sur notre prophète alayhi salatu wa salam. Et on tire ces textes tout simplement du livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam. Les passions et les avis, les gens qui sont gouvernés par leurs passions et leurs avis, ils n'ont pas de place dans notre nation, la nation du prophète, alayhi salatu wassalam. Car nous, on a besoin de se soumettre à Allah, azza wa jalla. Et la soumission, ce n'est pas que ton corps seulement. Tu as raison, cher serviteur d'Allah. Car les personnes qui se sont soumises à leur raison, ils se sont égarés. Et comment on peut gérer nos raisons, notre aql? Comment on peut le gérer, cher serviteur d'Allah? Avec une chose seulement, la soumission à Allah, azza wa jalla. Le jour où tu vas te soumettre au livre d'Allah et la sunna du prophète, ta raison, elle va être stable. Tu ne peux pas t'égarer. Tu peux faire des erreurs, tout simplement parce que l'être humain et toute personne, les fils d'Adam, ils font des erreurs. Mais la raison, elle va t'éduquer à revenir à Allah Azza wa Jal si tu vas la soumettre au livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand on va avoir tout ça, on va observer tout ça, chers serviteurs d'Allah. Et on va se protéger de tout ça. La grande nouvelle, elle vient de chez Allah Azza wa Jal. Et quand Allah Azza wa Jal va te donner une nouvelle, chers serviteurs d'Allah, sache qu'une nouvelle d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire plusieurs nouvelles. Et quand Allah Azza wa Jal, il te dit « bonne nouvelle à toi », ça veut dire « il y a la clémence d'Allah ». Ça veut dire, il y a la rahma d'Allah. Ça veut dire, chers serviteurs d'Allah, il y a la rahma d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il dit, dans le sens de ce verset coranique, voilà ce qui vous a été promis. Et la promesse, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a promis, chers serviteurs d'Allah. Pour quel jour? Pour le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla a promis ainsi qu'à toute personne, tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, Allah Azza wa Jalla lui dit après, qui redoute le doute, qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voit pas, ce qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Donc le jour, chers serviteurs d'Allah, on va avoir cette observation et on va pratiquer ces recommandations. La nouvelle, c'est quoi? Rentrer au paradis en paix. C'est ça ce qu'on cherche. Le croyant, il sait, on est en train d'adorer Allah Azza wa Jal. On est là depuis la prière de Dhuhr jusqu'à maintenant, jusqu'à après l'Isha. Pourquoi? C'est pas pour faire une assemblée comme ça et pour voir les gens et ainsi de suite. Non, chers serviteurs d'Allah. On a un seul but, qui est le fait de rentrer au paradis d'Allah Azza wa Jal en paix. Et pour qu'on puisse avoir la clémence et la rahma d'Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de chercher, chers serviteurs d'Allah. وفسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. Donc celui, cher serviteur d'Allah, qui est en train de préserver les recommandations d'Allah Azza wa Jal et de chercher à les pratiquer et ainsi de suite, donc c'est une personne, il est en train de chercher à faire At-Tawbah. Et comme vous le savez, les portes de Tawbah, elles sont ouvertes. وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَجِبُ حِفْظَهُ مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ. Qu'est-ce qu'on doit tenir de tout ça, chers serviteurs d'Allah? Non. On sait très bien que le fait de préserver ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, donc on doit méditer. On doit méditer dans quoi? Dans qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire? Les adorations. Et parmi les grandes adorations, la salat, la prière. Qu'est-ce que je devrais faire moi en tant que croyant pour préserver ma religion? Et ainsi de suite. Donc tout simplement, il y a beaucoup de recommandations. Je vous ai choisi cette nuit quelques recommandations. Parmi les choses qu'on doit préserver, chers serviteurs d'Allah, la prière, la salat. Et tout à l'heure, le frère, inshallah ta'ala, il va vous faire un cours par rapport à ça. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن الله عز وجل أمرنا بالمحافظة على الصلاة. الله عز وجل dit dans le sens du verset coranique ici, soyez assidus aux salat et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc Allah Azza wa Jalla ici nous a recommandé d'être assidus à nos prières. Et donc on doit préserver cette grande adoration, chers serviteurs d'Allah. Et comment on doit la faire? Comme Allah Azza wa Jalla veut. Comme Allah Azza wa Jalla nous a ordonné. Et c'est pour ça, Allah Azza wa Jalla a fait des éloges. مدح المحافظين على الصلاة فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون à qui sont réguliers dans leur salat. Il a parlé d'eux, Allah Azza wa Jal, dans le Coran Karim. Il a parlé de ses serviteurs qui sont assidus à leur prière. Donc il faut attention de faire leur prière, surtout les cinq prières obligées, et surtout pour les gens qui sont en train de rajouter leurs prières recommandées نوافل. ولذلك حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يرويه لنا عبادة ابن الصامت رحمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الشاهد من هذا الحديث هذه الصلوات الخمس التي كتبهن الله عز وجل على عباده المؤمنين، فقال الذي يحافظ عليهن كان له عند الله. انظر إلى هذا الكلام الرائع، كان له عند الله عهد. من عند من؟ الذي لا يخلف الميعاد، من عند الله عز وجل. ما هذا الوعد يا الله؟ الجنة، يعني أبواب عديدة. المسلم إذا أراد أن يدخل الجنة فما عليه إلا أن يفتح كتب الحديث، وسوف يجد الأحاديث متتالية وكثيرة تتحدث عن أبواب تعينك على الدخول إلى الجنة. من بين هذه الأبواب أن تحافظ على الصلوات الخمس فقط. فإذا حافظت عليهن أيها المسلم سوف تجدك في جنة رب العالمين. يا رجالي الله عز وجل ici le prophète عليه السلام il va nous rapporter ou il va nous enseigner ce hadith qui est immense. Un hadith qui est bénéfique. Où le prophète عليه السلام il dit dans le sens de ce hadith cinq prières. Allah Azza wa Jal a écrit sur ses serviteurs dans la journée comme dans la nuit, cinq prières seulement. Celui qui va les faire tous les jours et toutes les nuits. Regardez cette recommandation ici. Donc tu dois préserver ces cinq prières dans la journée et dans la nuit. Allah Azza wa Jal, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit au nom d'Allah Azza wa Jal? Il a dit, il va avoir une promesse de notre Seigneur. Et quand Allah Azza wa Jalla va promettre, c'est pas comme moi et vous, chers serviteurs d'Allah. Allah Azza wa Jalla, quand il va te promettre quelque chose, avec certitude, une confiance totale en Allah Azza wa Jalla, que Allah Azza wa Jalla va le faire rentrer au paradis. Cinq prières seulement. Et vous savez, le livre d'Allah, comme les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, dès que tu vas ouvrir le livre d'Allah ou les hadiths du prophète salam, tu vas trouver des portes et des portes et des portes qui vont te guider vers le paradis d'Allah Azza wa Jal. Tous les jours il y a des adorations, toutes les heures il y a des adorations à faire pour qu'il puisse te faire entrer au paradis, et d'ailleurs par Allah Azza wa Jal toutes les secondes. من قال سبحان الله وبحمده ورزت له نخلة في الجنة ومن عنده نخلة في الجنة أين يذهب يوم القيامة إلى الجنة. أقعد Combien de secondes j'ai dit cette parole? Subhanallah wa bihamdih. Une seconde, deux secondes, Allah Azza wa Jalla a planté là maintenant pour moi un palmier au paradis. Ça, c'est le prophète qui nous a dit ça. Et celui qui a un palmier au paradis, bah, il est où? C'est pour ça, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque heure, chaque semaine, le vendredi par exemple, il y a des mois comme le mois du Ramadan, il y a ainsi de suite des années, dans l'année des adorations à faire, et toutes ces adorations, chers serviteurs d'Allah, ils vont faire quoi? Ils vont te guider directement vers le paradis d'Allah Azza wa Jal. Et donc, celui qui va faire ses cinq prières dans la journée, dans la nuit, il a une promesse de chez Allah Azza wa Jal. Celui qui va, quand il va promettre, il va tenir à sa parole. Il a dit à Allah Azza wa Jal, il a sa promesse, c'est le paradis d'Allah Azza wa Jal. Juste pour les personnes qui vont les cinq prières, ils vont être assidus à ça. ومن بين الأمور كذلك التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها الطهارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من بين الأمور التي يتوجب على المسلم أن يحافظ عليها أن يكون على طهارة. ما معنى أن يكون على طهارة؟ لا يدافع الأخبثين يعني يستطيع أن ينتقض وضوءه وبعد هذا يتوضأ، يعني أن وضوء على وضوء نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ على الوضوء بحيث أنه إذا انتقض وضوءك تتوضأ، والأفضل أن تصلي ركعتين، فإن صليت ركعتين بعد هذا الوضوء فاعلم على أن الله عز وجل قد هيأ لك قصرا في الجنة، وحديث بلال لا يخفى عليكم. Et c'est pour ça ici le prophète alayhi salatu wa salam, il dit d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, ne préserve les ablutions qu'un croyant. Donc dans le sens de ce hadith, le fait de rester dans un état d'ablution tout le temps, cette personne il reste pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il doit tenir les ablutions, il veut par exemple faire ses besoins, il doit les tenir. Non. À chaque fois quand il va perdre ses ablutions, il va les refaire. Et ainsi de suite. Ablution, derrière ablution, c'est une lumière. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit dans le sens de ce hadith. Et vous connaissez le hadith de Bilal, radiyallahu ta'ala. N'est-ce pas le prophète, quand il a fait le voyage non plus, il voit un château qui est destiné à Bilal. Et le prophète, c'est comme il a été étonné par ça. Il lui dit à Bilal, quelle action tu es en train de la faire pour qu'Allah Azza wa Jal, il t'a construit ou il t'a donné un château au paradis? Tout simplement, dès qu'il va perdre ses ablutions, il fait les ablutions et derrière il fait deux unités d'arkat. Donc une personne qui va préserver ses ablutions, en plus de ça, il va faire deux unités d'arkat chaque derrière ablution. Donc c'est une personne qui est en train de chercher à compléter sa foi. Et c'est ça ce qui est recommandé par Allah Azza wa Jalla à ses serviteurs. C'est pas de faire que les obligations seulement et de chercher les portes où le prophète alayhi salatu wa sallam nous a préféré des adorations, des sunnahs et ainsi de suite, pour qu'il puisse les pratiquer. Le jour où il va faire ça, cher serviteur d'Allah, c'est une personne qui est en train de chercher le paradis d'Allah Azza wa Jal. Et le paradis d'Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, cher serviteur d'Allah, c'est quoi? C'est la vraie demeure. C'est pas la demeure d'ici-bas. C'est la vraie demeure, c'est la vie éternel. Daru al-Qarar. C'est la maison table, c'est la maison éternelle. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله جاء ورجل يتكبد المشاكل والمعاني والأحزان والهموم والغموم فقال له يا إمام متى يهنأ لبان قال يوم تضع رجلك اليوم في الجنة يوم تضع رجلك اليمنى في الجنة Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, une personne malheureuse, il vient vers lui. Incroyant, miskin. Incroyant, il vient pour se plaindre. Il a beaucoup de soucis. Il lui a dit à l'imam, j'ai beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, ainsi de suite. Quand est-ce que je vais avoir l'apaisement? Quand est-ce que je vais avoir la conscience tranquille? Quand est-ce que je suis apaisé? Et il lui a dit, le jour où tu vas mettre ton pied droit dans le paradis d'Allah. Donc ici, il ne faut pas chercher à chercher l'apaisement. L'apaisement, on la cherche où? C'est pas au courant derrière à la dunya. C'est le fait de pratiquer les adorations d'Allah Azza wa Jal. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم إذا توضأ العبد المسلم. Donc ici le prophète صلى الله عليه وسلم il est dans le sens quand le croyant il va faire ses ablutions, le musulman il va faire, le serviteur d'Allah musulman quand il va faire ses ablutions. فغسل وجهه. Il va laver son visage. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. De son visage, les péchés ils vont sortir. Les péchés ils vont sortir parce que il a vu des choses pas bien. Et donc nous on doit protéger et préserver aussi la vue, n'est-ce pas? Donc al-wudu, c'est un moyen pour les personnes qui ont commis des péchés, pour Allah Azza wa Jal va les purifier de ce péché. Tu as vu quelque chose qui n'est pas bien, tu n'as qu'à faire les ablutions. Au moment, tu vas laver ton visage, les péchés vont commencer à disparaître. Donc ça c'est un hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Ou مع آخر قطري أو مع آخر قطري الماء ou à la dernière goutte d'eau, in Allah Azza wa Jal va le purifier de ce péché. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَهَا أو كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهِ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فإن هذه الخطيئة تخرج من يداه أو من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Et pareil, le jour où je vais laver mes mains et j'ai fait ou j'ai commis de la justice avec ma main, j'ai fait quelque chose pas bien. Par exemple, j'ai frappé ma femme. Hein? Donc c'est quelque chose qui n'est pas bien dans l'islam. Ou j'ai levé ma main sur un musulman. Donc, comme vous le savez très bien, on n'a pas le droit. Donc tu dois préserver ta main et ta langue par rapport à tes frères musulmans et dans une autre riwayat, un autre hadith pour tout le monde. Donc si tu as fait des péchés avec tes propres mains et tu as fait, bien sûr, tu t'es repenti, avant que le jour, ils vont venir, ils vont témoigner, ils vont parler. Ils vont dire, il a fait avec mes mains, avec ça, tu as fait de l'injustice. Le jour où tu vas faire les ablutions pareilles, Allah Azza wa Jal va effacer tes péchés, chers serviteurs d'Allah. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ نَفْسُ الشَّيْءِ. Pareil quand tu vas laver tes pieds. نعم. حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. Jusqu'à Allah Azza wa Jal va le sortir de ses péchés, il va le purifier, il va devenir pur. Grâce à quoi? Grâce aux ablutions, chers serviteurs d'Allah. On dit, l'umour l'ati yajibu ala al-mu'mini an yuhafidha alayha. Al-ayman, laysa al-iman. Al-ayman. ومما يؤمر بحفظه الأيمان قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون تشكرون. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens de ce verset coranique. Et tenez à vos serments, le serment. Attention, Al-Iman, c'est la foi. Al-Iman, il est connu. Et quand on dit Al-Ayman, donc là j'ai fait le fatha, Al-Ayman, et puis j'ai dit Al-Iman, j'ai fait Al-Kasra. J'ai changé la voyelle, seulement regardez, le sens carrément il va changer. Le sens carrément il va changer. Al-Ayman, c'est le serment. Al-Ayman, c'est le serment. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Dans le Coran Karim, il nous a dit, et tenez à vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Afin que vous soyez reconnaissants. فَإِنَّ الْأَيْمَانَ يَقَعُ النَّاسُ فِيهَا كَثِيرًا وَيَهُمِلُ كَثِيرٌ مِنَا النَّاسِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ فلا يحفظه ولا يلتزمه بأن يأتي الإنسان ويحلف على باطل وهذا أدهى وأمر هذه كبيرة كبرى أو يأتي ويجعل الله عرضة لأيمانه ويقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يحلف على من هب ودب يحلف فهذه الأمور أيها المؤمن يجب عليك أن تتفاداها وخاصة إذا عقدت الأيمان إذا حلفت باسم العالي باسم الله أو أقسمت باسمه فيتوجب عليك حينها أن تؤدي قسمك وإلا فإن عليك كفارة. Donc le serment, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset coranique, et n'usez pas du nom d'Allah Azza wa Jalla, du nom d'Allah dans vos serments. Car il y a des gens malheureusement, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, ils ne font qu'à jurer. Donc, attention, le jour où tu vas faire un serment au nom d'Allah Azza wa Jalla, tu dois tenir à ton serment et à ta promesse et ainsi de suite. Ta'ana al-mu'minin 'inda shurutihim. Attention, on a posé des conditions, tu as fait un serment, tu dois respecter tout ça. Les conditions que tu as établies avec l'autre partie et ainsi de suite. Donc, ça c'est une obligation. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont en train d'user au nom d'Allah Azza wa Jal. À chaque moment, il est en train de jurer. Wallah, je jure, et ainsi de suite. Et après, à la fin, Allah Azza wa Jal nous a ordonné ici de ne pas user du nom d'Allah Azza wa Jal. Wa ba'du an-nasi qad dhahabu ila ab'ada min hadha. فأصبحوا يحلفون بغير اسم العالي فأصبحوا يحلفون بأسماء المخلوقات فيقول راس والدي وراس أمي وراس ولادي فهذا خطأ وهذا شرك مع الله عز وجل أن خلقك الله ثم تجعل له ندا هذا لا يسوغه العقل وقد تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا أن الناس يجعلون لله ندا وهو الذي خلقهم. Il y a des gens qui sont partis plus loin que ça. Ils vont associer avec Allah Azza wa Jalla l'un de ses créatures. Donc la création d'Allah Azza wa Jalla est devenue chez des gens qui appartiennent à cette nation comme associés et comme égal à Allah Azza wa Jalla, qu'Allah nous préserve. Il lit sur la tête de ma mère, il lit sur la tête de mon père, sur la tête de mes enfants, et tout ça c'est de l'association, chers serviteurs d'Allah. Attention, préservez votre religion par rapport à ça. Il y aura un jour on va se mettre debout en face d'Allah Azza wa Jalla et il va ramener tout associé que les gens ils ont associé avec lui et il va les faire disparaître. Comment? Il va leur dire, venez, ramenez vos associateurs pour témoigner. Aucun associé va venir, chers serviteurs d'Allah, les statues ainsi de suite. Et ces paroles qui sont rentrées, hein, et c'est quelque chose d'étrange sur la nation du prophète, le fait de jurer au nom de telle création. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut jurer au nom de sa création. Il a juré Allah Azza wa Jal plusieurs fois dans le Coran Karim et d'autres, et dans les hadiths du prophète sallam, par ses créations. Wal asr, wat tin, et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal, il a le droit. Mais nous, en tant que croyants, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on n'a pas le droit. ولذلك قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Et c'est pour ça Allah عز وجل dans le sens de ce verset coranique, chers serviteurs d'Allah عز وجل, nous a ordonné n'obéir à aucun grand jureur, méprisable, grand défamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur. Et ces versets coraniques, on les trouve dans Sourate Al-Qalam. Donc, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, on ne doit pas obéir à Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de ne pas obéir à ces gens, surtout pour les personnes qui jurent au nom d'Allah Azza wa Jalla, surtout le jour où ils vont faire une transaction dans le commerce. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة صعد فوق دخل السوق ثم صعد على مكان عال وقال يا معشر التجار يا معشر التجار. فكل تاجر التفت إلى من؟ إلى فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار أنتم الفجار إلا من اتقى. يا معشر التجار أنتم الفجار إلا من اتقى. لماذا؟ لأنهم يحلفون بالكذب وكل مرة لما يبيع والله والله والله. فلذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفجار. Une fois le prophète عليه السلام, il rentre dans le marché, le souk. Il va lever sa voix, il dit: oh vous les commerçants, dans le sens de ce hadith. Et tout le monde, ils vont se diriger vers le prophète عليه السلام en connaissant sa voix. Il va nous dire: vous êtes les pervers. Vous les commerçants, vous êtes les pervers. Sauf les gens parmi vous, les pieux. Pourquoi? Parce que les commerçants, ils ont tendance à chaque fois de faire quoi? De jurer au nom d'Allah Azza wa Jal pour qu'ils puissent faire quoi? Vendre leurs marchandises. Vendre leurs marchandises au nom d'Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de ne pas user du nom d'Allah Azza wa Jal. ومن بين الأمور التي يجب على المسلم أن يحفظها عباد الله هو حفظ الرأس والبطن لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, il nous parle dans ce hadith sur quoi? Il nous transmet le hadith du prophète où il parle qu'on doit préserver aussi la tête et le ventre. La tête et le ventre. Comment on doit préserver tout ça? En expliquant ce hadith. Le prophète, alayhi salam, une fois, il vient vers les sahaba, il va leur dire: vous devez éprouver la vraie pudeur envers Allah. Les sahaba, ils disent: nous avons dit, ô messager d'Allah, nous éprouvons de la pudeur. Et, alhamdoulilah, et louange à Allah. Donc, ils ont attesté que nous, on a la pudeur vers Allah Azza wa Jal. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك. Ce n'est pas ça. Le prophète, il a dit: ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. فقال ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. Il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام: éprouvez la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن هذا هو الحياء أيها الناس. حقيقة الحياء أن المسلم يجب عليه أن يحفظ ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. Il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم ici dans le sens de préserver la tête et ce qui se trouve dessus, le ventre et ce qui se trouve autour, de se rappeler la mort et la décomposition, et celui qui veut l'au-delà délaisse la beauté de la vie d'ici-bas. Celui qui fait cela aura éprouvé la vie, la vraie, ou il sera éprouvé la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. إذن هذه الأمور فسرها العلماء رحمهم الله تعالى أن يحفظ المسلم رأسه. من أين يحفظه؟ كيف يحفظه؟ وكيف يحفظ بطنه؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج اللسان والفرج وحفظ الرأس أيها الناس تجدونه أو هذه واعلموا كذلك كما قال الله عز وجل تصديقا لما قاله العلماء هنا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يسيد إمام رجب ابن رجب رحمه الله تعالى ينزع expliquer qu'est-ce que ça veut dire le fait de préserver ta tête et ton ventre. Pour préserver, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ta tête, il faut préserver, comme il a dit Allah Azza wa Jal ici dans le sens de ce verset coranique, louer la vue et le cœur sur tout cela. En vérité, on sera interrogé. En vérité, on sera interrogé sur louer sam, la vue, al-basar, al-fu'ad, al-qalb. Yani, le cœur. Donc tout ça, on va être questionné le jour du jugement. Donc comment tu dois préserver ta tête, cher serviteur d'Allah? Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Et tu ne dois pas aussi voir n'importe quoi. Et aussi, ce n'est pas n'importe quel dogme qu'il fait rentrer dans ton cœur. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le sens de ce verset coranique, louer la vue et le cœur sur tout cela, en vérité on sera interrogé. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula qala Allah 'azza wa jalla wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Et aussi Allah 'azza wa jalla dit dans le sens de ce verset coranique, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenez donc garde à lui. Eh oui, ça, Allah Azza wa Jal, il nous a mis en garde. Il nous a créé, Allah Azza wa Jal. Il a créé en nous, loué, et il a créé aussi en nous la vue et le cœur et tout ce qu'on est en train de voir comme création dans le corps de l'être humain. Et il nous a facilité la tâche pour lui, pour qu'on puisse l'adorer. Il nous a posé des questions et à côté il nous a répondu Allah. Question-réponse. Il ne faut pas faire ça. Et si vous n'allez pas faire ça, vous allez avoir comme récompense ça. Regardez Allah Azza wa Jalla comment il est avec ses serviteurs. Donc après, à la fin, sans aucune tawba, on va y aller vers Allah Azza wa Jalla. Donc attention pour ces gens. Wallah Azza wa Jalla les amis, en garde, chers serviteurs d'Allah, il leur a dit, on sera interrogé sur tout. Et le Et j'ai parlé avec elle, c'est l'entraînement. C'est David. Elle m'a regardé un petit peu, je vais parler. Assalamu alaikum. ثم قال عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أضمن له الجنة. هذا الحديث عظيم كذلك. انظر لازلنا في كلمة احفظ فقط. regardez on est resté sur un seul mot seulement احفظ préserve. Donc le hadith il est long. Et pour l'expliquer en entier, je vous ai dit que on ne pourra pas. Donc pour lui donner son importance, on est dans l'obligation au moins d'éclaircir quelques recommandations. Le prophète alayhi sallam ici il dit dans le sens de ce hadith, si tu me garantis ce qu'il y a entre tes deux mâchoires, je te garantis le paradis, le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. قال ابن عبد البار رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من الفم والفرج. Il a dit, ابن عبد البار رحمه الله تعالى, ce hadith c'est une preuve que les plus grands des péchés, en réalité, il sort de ta bouche. Et qu'est-ce qu'il y a entre tes deux jambes? Donc c'est ça ce qui va traîner les gens vers le feu d'Allah. Ta bouche, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se trouve dans, entre tes deux mâchoires? C'est ça. Ta langue. Al-lisan. هذا الذي أوردني الموارد. هكذا أخذه أبو بكر سلفنا الصالح أخذ لسانه وقال هذا الذي أهلكني أو أوردني الموارد أدخلني في المهالك. أبو بكر va prendre sa langue comme ça, il va la tenir et il va dire c'est ça, c'est cette langue elle m'a traîné vers quoi? Vers les problèmes. Donc les personnes qui vont périr en réalité, c'est parmi les grandes causes, et la grande cause, c'est ta langue. وَمَا بَيْنَ الْلَحْيَيْنِ الْفَمْ وَمَا بَيْنَ الْرِجْلَيْنِ entre ce qu'il y a dans tes jambes, ta chasteté, tu dois la préserver, cher serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ce verset coranique, dit aux croyants de baisser leur regard et de regarder leur et de garder leur chasteté et de bien garder leur chasteté. Il y a les quêtes qu'il y a entre tes deux jambes, soit hommes et femmes. Et c'est ça qui fait que les gens ils vont périr, chers serviteurs d'Allah. Et donc il a dit, ومن الفم ما يتولد من اللسان وهو كلمة الكفر. Ce qui sort de la langue, cette grande parole très grave, la mécréance. Qu'est-ce qui sort de ta langue? وقذف المحصنات. Et le fait d'accuser les dames, les femmes mariées. وأخذ أعراض المسلمين. Et le fait de parler sur l'honneur des musulmans et de parler sur eux, car le croyant il est sacré. On ne doit pas faire la médisance, on ne doit pas faire la calomnie. Et c'est qui fait ça? C'est ta langue, c'est ta langue. Pour les dalek, j'ai Ali marra Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhuma hatta yatabayyana lakum 'idam al-ghibah 'ala annaha haram. الله عز وجل حرم علينا الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. On doit pas faire la médisance entre nous ni de la calomnie. La calomnie, son châtiment il est très dur le jour du jugement, mais avant ça c'est le châtiment de la tombe. Pareil, la médisance elle va te guider vers un grand égarement qui est plus grave, qui est aussi la calomnie. Une fois Abu Bakr radiallahu ta'ala an, et Omar ibn Khattab, ils étaient dans un voyage. Ils avaient un serviteur. Et c'est une personne qui venait dormir. Donc à chaque fois, c'était il se lève tard. Ils ont dit kalima wahida, un mot seulement. Ils ont dit c'est une personne qui dort beaucoup. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Et puis ils l'ont envoyé vers le prophète pour qu'il puisse manger avec eux. Et il leur a dit mais vous avez mangé. Il leur a dit mais vous avez mangé. Reviens vers eux et tu leur dis en réalité ils ont mangé. Et eux ils ont pas mangé. La nourriture elle était là présente. Ils attendaient que le prophète. Ils vont venir en courant vers le prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, on n'a pas mangé, vous attendez. Il a dit, vous avez mangé, par Allah azza wa jal, je suis en train de voir la trace de sa chair entre vos dents. La chair de cette personne. Un esclave, un serviteur, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est une personne qui dort beaucoup. Vous avez vu, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, la situation elle est grave et très grave. Ta langue, il faut l'emprisonner comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud. En réalité, c'est qui qu'on doit, en réalité, la personne qu'on doit l'emprisonner, Abdullah ibn Mas'ud il a dit ça, ta langue. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah Azza wa Jal le jour dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la bonne parole, il dit des bonnes paroles, ou il se tue. D'accord? Donc, قال ومن الفم أيضا شرب الخمر. Qu'est-ce qui rentre de ta bouche? Le fait de boire la boisson alcoolisée. Qu'est-ce qui rentre de ta bouche? La drogue. Qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? Les personnes qui veulent se suicider de prendre quelque chose à la base à l'illicite. Et ils l'ont rendu illicite, les médicaments pour qu'ils puissent se suicider. Donc ces médicaments sont devenus illicites à la base et sont licites. Les gens ils veulent boire du poison pour qu'ils puissent se suicider. Aussi, c'est haram, c'est quelque chose qui est grave. Ou aklu riba, le fait de pratiquer l'usure. Ou aklu mal al-yatim, le fait de prendre et de manger les bienfaits des orphelins. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a entre tes deux jambes? Si tu ne vas pas préserver ta chasteté, qu'est-ce qu'il y a derrière? De l'adultère et al-liwat, iyadan billah. Walidhalika qala Allahu azza wa jalla, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث هذا الحديث فيه معنى عظيم من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه ضمن له رسول الله صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. Donc celui qui va mettre en valeur ce qui est entre tes bouts, tes deux mâchoires, ta langue, donc ça veut dire ta bouche, et qu'est-ce qui est entre tes deux jambes, ta chasteté, soyez Ibn Hajar il dit, il a une promesse de chez le prophète alayhi salatu wa salam qui est comme récompense qui est le paradis. Fa inna an-nutqa bil-lisan aslun fi husuli kulli matlub. Fa idha lam yantaq bihi illa fi khairin salim. Wa qala Ibn Battal radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, dalla al-hadith 'ala anna a'zama al-bala'i 'ala al-mar'i fi ad-dunya lisanuhu wa farjahu. Fa man waqiya sharrahuma waqiya a'zama ash-sharr. Na'am. ولذلك ذكر ابن حجر ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لعلوم الحكم قال أبو إدريس الخولاني أول ما وصى الله به آدم عند إحباطه إلى الأرض حفظ فرجه وقال لا تضعه إلا في حلال. دخل ابن رجب dans son livre d'après Abu Idris al-Khawlani il a dit la première recommandation, Allah Azza wa Jal a dit à Adam alayhi salam quand il a fait descendre sur terre, il lui a dit de préserver sa chasteté, il doit la mettre dans al-halal, tout ce qui est halal yani licite. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا احفظ الله يحفظك. الآن وصلنا إلى الكلمة الثانية احفظ الله يحفظك. النبي عليه الصلاة والسلام il dit dans le sens ici préserve Allah, il va te préservera. C'est vrai? Donc, comment Allah Azza wa Jalla, le jour où tu vas, cher serviteur d'Allah, le jour où tu vas observer les recommandations d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla va te préserver de beaucoup de choses. قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله عز وجل dit dans le sens de ce verset coranique, si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, Allah عز وجل dit, je tiendrai les miens. Et voilà. Vous avez observé les recommandations d'Allah عز وجل. Quand Allah en a observé, c'est quoi la récompense? Beaucoup de récompenses. قال الله عز وجل في كتابه الكريم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ما معنى هذه الآية؟ آية عظيمة. قال أن يحفظه الله عز وجل في مصالح دنياه في بدنه وولده وأهله وماله. Regarde ici, Allah عز وجل dit dans le sens de ce verset coranique, il homme, à part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Et subhanallah, ce verset coranique, il est immense, cher serviteur d'Allah. Combien de bienfaits il y a derrière ça? Ibn Abbas, il dit, هُمُ الْمَلَائِكَةِ يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal, devant lui et derrière lui, des anges. Donc ces gens, ils vont faire quoi? Ils vont le protéger. Ils vont te protéger par rapport à quoi, cher serviteur d'Allah? Allah Azza wa Jal va tenir à sa parole et il va te protéger, il va protéger tes biens, tes enfants et ta famille et ainsi de suite. Et c'est qui va faire ça? Les anges d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les a fait comme cause pour qu'ils puissent, les anges d'Allah Azza wa Jal vont te protéger. قال علي رضي الله تعالى عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه أو يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. ici علي رضي الله تعالى عنه il dit avec chaque homme, quand on dit ici homme ça veut dire femme ou homme, deux anges, ils vont le protéger par devant, par derrière, par à droite, à gauche, en haut, en bas, et ainsi de suite. Dès que le dessein d'Allah Azza wa Jal va le toucher, ils vont s'éloigner. Wa inna al-ajala jannatun hasina. Et vous inquiétez pas, leur promesse plus tard, si on va être éprouvé avec toute notre croyance, et ainsi de suite, c'est quoi? C'est le paradis d'Allah Azza wa Jal. Wa قال مجاهد في تفسير هذه الآية ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما من شيء يأتيه إلا قال له وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. نعم تفضل. المجاهد Rahimahullah ta'ala, l'un des grands savants de l'islam, l'un de salaf al-salih, celui qui a expliqué le Coran al-Karim, il a dit chaque serviteur d'Allah Azza wa Jal, il a des anges pour le protéger quand il veut dormir, quand il va se réveiller. De quoi? Des djinns. Eh oui, des djinns. Et aussi des ins, des êtres humains. Et aussi tout ce qui est mauvais. Allah Azza wa Jal va faire que ses anges, ils vont faire quoi? Ils vont le protéger. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء فقال اللهم إني أسألك العفو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وفي رواية عورتي وآمن روعاتي وفي رواية روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال تحتي. وكذلك هناك نوع آخر, هذا النوع الأول, هناك نوع آخر كيف يحفظ الله عز وجل عباده, وننتهي بهذا إن شاء الله تعالى. حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه, فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة, ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. Et comment Allah Azza wa Jal va nous protéger quelque chose aussi qui est immense, de tout égarement, de tout ce qui est haram, de tout ce qui est illicite. Allah Azza wa Jal, elle est là pour nous protéger. Pourquoi? Parce qu'on a observé les recommandations d'Allah. On s'est limité par les ordres d'Allah Azza wa Jal. On s'est ordonné, on s'est soumis Allah Azza wa Jal. Et le jour où tu vas faire tout ça, tu vas le trouver où, cher serviteur d'Allah? Le moment où tu es en train d'agoniser. Et ça, le jour où tu vas sortir de ce bas monde, là tu vas sentir la protection d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça, l'un de Salaf al-Salih, qu'est-ce qu'il a dit? قال إذا حضر الرجل الموت يقال للملك. Donc c'est une parole qu'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala il a cité dans son livre. L'un de Salaf al-Salih il a dit, quand une personne est en train d'agoniser, donc il va sortir de ce bas monde, il va mourir, on va dire à un ange شم رأسه, sans sa tête. قال أجد في رأسه القرآن. Il a senti et puis il a dit que je trouve le Coran dans sa tête. قال شم قلبه. قال أجد في قلبه الصيام, sans son cœur. Il a dit je trouve dans son cœur le jeûne, le carême. قال شم قدميه. Il me dit sans ses pieds. قال أجد في قدميه القيام. Il a dit je sens et j'ai senti et j'ai trouvé la prière de la nuit dans ses pieds. قال حفظ نفسه فحفظه الله. Il a protégé son âme, Allah Azza wa Jalla a protégé. Quand est-ce le jour où il allait sortir de ce bas monde? ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا. وقال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et comment Allah عز وجل va s'interposer, chers serviteurs d'Allah عز وجل? Ni'ma. Regardez, qu'est-ce qu'Allah عز وجل, comment il va s'interposer, subhanallah. قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. Il va s'interposer, Allah Azza wa Jal. Le croyant, il est là et le péché, il est là. Et quand il va le commettre, il va aller vers l'enfer. Allah Azza wa Jal va s'interposer. Toi, tu ne vois pas ça. Et c'est ça parmi les ni'am d'Allah Azza wa Jal qu'on ne voit pas. Ça. Des choses qu'on ne voit pas, chers serviteurs d'Allah. T'allais commettre un péché. Et regardez qu'est-ce qu'il dit ici, Abdullah ibn Mas'ud, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu ta'ala an. Qala, inna al-abda la yahummu bil-amri min at-tijarati wal-imarati hatta yuyassara lah. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an. Il a dit que le serviteur d'Allah, le croyant, veut faire un commerce ou il veut postuler, par exemple, pour gouverner telle et telle et telle chose. فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Et Allah Azza wa Jal voit qu'est-ce que son serviteur il est en train de faire. فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ. Il dit aux anges, اِصْرِفُوهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ يَسَّرْتُهُ لَهُ أَدْخَلْتُهُ النَّارِ. Ya subhanallah. Regarde Allah Azza wa Jal, comment il va interposer entre ce commerce et ce que tu veux. Allah Azza wa Jal lui dit, il dit à ses anges, éloignez mon serviteur de ce commerce, éloignez mon serviteur ce qu'il désire, car si je vais lui faciliter, il va y aller en enfer. Vous avez vu? Parce qu'on n'a pas travaillé, ça ne veut pas dire que c'est un mal. Parce qu'on nous a fait ça, ça ne veut pas dire que c'est un mal. Derrière un mal, il y a un bien, cher serviteur d'Allah. Mais malheureusement, l'être humain, il est faible. Et qu'est-ce qu'il va dire? فَيَصْرِفُهُ اللَّهِ فَيَظُلُّ يَتَطَيَّرُ. Donc, Allah Azza wa Jal va l'éloigner de ce mal qu'il va le guider, le traîner vers le feu, le traîner vers le feu, et lui, il va faire quoi? Et ensuite, il va augurer. يَتَطَيَّرُ. يقول سبقني فلان وأهلكني فلان وأهانني فلان. Mais malheureusement l'être humain est faible. Allah Azza wa Jal l'a protégé et lui derrière il est en train de dire regardez lui il m'a devancé et lui il m'a humilié et lui il m'a fait ça et lui il m'a fait ça. Mais en réalité subhanallah Allah Azza wa Jal l'a protégé. وما هو إلا فضل الله عز وجل على عباده. فالبدار البدار والجدة الجدة والهمة الهمة أيها الأحباب أن نحفظ أوامر الله عز وجل. ومن الأمور التي يجب على المؤمن أن يحفظها التوحيد والمنهاج الصحيح. Et parmi les choses, chers serviteurs d'Allah عز وجل, qu'on doit bien les préserver et bien les garder, c'est le monothéisme et aussi المنهاج. C'est quelque chose qui est très important. والله تعالى أعلم. هذا فإن أصبت فلا عجب ولا غرر وإن نقصت فإن الناس ما كملوا وإن الكامل الله في ذات وفي صفة وناقص الذات لم يكمل له عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.